Dimanche, le 1er mai, c'est la Grande Marche pour la forêt. Ici Jean-Pierre Boivin, président d'Alliance Forêt Boréale. Je vous invite à vous joindre aux élus municipaux et aux travailleurs de la forêt pour affirmer votre appui à l'exploitation durable de notre ressource forestière, créatrice de richesses chez nous. Soyez au rendez-vous à 11h à l'Hôtel de Ville de Saint-Félicien. La foresterie, c'est aussi une solution au changement climatique. On va parler de cette série tout à fait extraordinaire entre les Saguenay de Chicoutimi et les Sea Dogs de Saint-John. Et moi, je considère que mon invité a été vraiment fumant, surtout dans le troisième match à Chicoutimi. C'est le gardien de but, Callum Booth. Bonjour, Callum. Salut. Ben, Callum, ça a été... en tout cas, pour les amateurs de hockey, c'est vraiment une série extraordinaire. Est-ce que tu t'attendais vraiment que ce que les Saguenayens vous donnent une vive opposition? Je parlais avec... avec Simon Bourque lundi, il me disait que oui, du côté des coéquipiers, est-ce que vraiment on s'attendait à ça? Ben oui, c'est sûr, à ce stade-ci, toutes les équipes sont super bonnes, puis on sait dans la ligue qu'on joue de nos jours que n'importe qui peut battre n'importe qui, c'est l'équipe qui veut le plus. Puis on a vu ça avec les Saguenayens, ils sont là, ils veulent, qu'est-ce qu'ils ont fait avec Juan Noranda. C'est une équipe qui ne veut pas lâcher, qui ne va pas lâcher. Puis nous, il faut juste se concentrer à jouer notre game puis espérer de mieux. Tu disais que jouer à Chicoutimi, c'était vraiment spécial pour toi. T'aimais vraiment le challenge. Bien, c'est sûr, les partisans des Saguenayens, c'est des partisans de... Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est juste entendre le bruit, c'est sûr, ça donne un challenge aux joueurs adverses jouer contre avoir une grosse foule de même. Donc c'est ça, c'est tout le temps plus le fun, puis ça rend les games super intéressants. Surtout que tu affrontais t'as joué longtemps avec les Remparts, donc tu connais un petit peu les gens de Chicoutimi, tu les affrontais régulièrement. Donc là, t'es pas surpris du tout de ça. Hey, Carlum, je trouve qu'il y a vraiment un beau duel entre toi et Julio Billia dans cette série, surtout dans le troisième match. Billia était fumant. Par contre, je me dis, si Callum Booth ne garde pas le filet comme il l'a gardé, il n'y en a pas de prolongation. Est-ce que quelque part, du côté de Callum Booth, est-ce que ça motive vraiment, motive davantage aussi d'affronter Julio Billia dans un duel de gardien de but comme ça? Julio, je le connais très bien. On joue dans la même équipe, Bantam. Ouais, les deux gardiens dans la même équipe. Donc, c'est un super bon gars. Puis, je le sais, c'est un excellent goaler. Il a aucune preuve à faire. Il a prouvé dans ses 4-5 années dans la ligue. Donc, c'est sûr, c'est un excellent goaler. Puis, juste avoir l'opportunité de pouvoir l'affronter dans une série, c'est sûr, c'est un super bon honneur pour moi. Okay. De pouvoir jouer contre lui. Comment t'as réagi dans les médias quand Yannick Jean a dit qu'il y avait un plan pour toi? Pardonnez-moi? Comment t'as réagi quand Yannick Jean a dit « on a un plan pour Callum Booth » Est-ce que ça l'a motivé? Normalement, c'est pas nécessairement à conseiller. Normalement, ça motive un gardien de but. Comment t'as réagi quand t'as eu la déclaration de Yannick Jean? J'ai aucunement entendu la déclaration de Yannick Jean. Vous me l'apprenez. Sérieusement, moi, je joue ma game, puis je sais pas qu'est-ce qu'il a dit, puis ça me dérange vraiment pas. Okay, effectivement. Hey, dis-moi, là, ressens-tu une pression supplémentaire compte tenu que le poste de gardien de but, c'est probablement le poste le plus où on a le plus de pression? Les Sea Dogs sont venus te chercher du côté des Remparts de Québec. Certainement qu'on vise la Coupe Memorial. Est-ce qu'on ressent une pression supplémentaire? Moi, j'adore ça. La pression, c'est pour ça que je mets mon masque puis je suis gardien. C'est la raison pourquoi j'ai commencé à être gardien à l'âge de 8-9 ans. Puis c'est la raison pour que je joue encore gardien aujourd'hui. OK. Dis-moi, parle-moi maintenant du reste de la série. Comment du côté des Sea Dogs on se sent là? D'être venu en chercher une à Chicoutimi, c'était ça le plan après avoir perdu le deuxième match et de revoir l'avantage de la glace? Comme j'ai dit, les Saguenayens, c'est une excellente équipe. Nous, on doit juste se concentrer sur nous puis essayer de travailler le plus fort possible. Si on est capable de le vouloir, donner notre 110%, on va espérer que des bonnes choses vont nous arriver. OK. Carlum, parle-moi maintenant à Saint-Jean. Est-ce que au sein de Lac-Saint-Jean, c'est vraiment la folie? Tout le monde parle des Saguenayens. Est-ce que dans les Maritimes, on a un petit peu ce même bandwagon-là? Ben oui, c'est sûr. Je pense l'hockey junior, tout à travers le Québec, le Canada, les Maritimes, je pense que c'est super gros. Moi, avoir joué dans un gros marché au Québec à Saint-John, un gros marché à Québec, puis là, un gros marché dans les Maritimes à Saint-John, je trouve que à part jouer dans le centre du Vidéotron, la plupart des choses, c'est vraiment pareil. Il y a des excellents partisans qui croient tout en leur équipe, qui veulent le mieux pour nous. Puis c'est juste, je trouve que je suis vraiment honoré de juste avoir la chance de non seulement jouer dans cette ligue, mais d'avoir joué dans ces deux organisations. Si tu parlais de ta saison, comment tu la qualifies? Là, je m'en viens avec une question sur les Hurricanes de Caroline. Est-ce que tu trouves que Callum Booth a quand même progressé durant l'année? J'espère que oui. C'est sûr. C'est ça le but chaque saison de s'améliorer personnellement. Non seulement donner ton équipe une chance de gagner à chaque fois que tu as la chance de jouer, mais aussi progresser personnellement dans ton jeu. Puis j'espère que j'ai fait le mieux personnellement, si c'est sur glace, hors glace, dans le gym, plein de choses de même, juste pour pouvoir m'améliorer en goaler pour que je puisse essayer de donner une chance à mon équipe de gagner dans ces statuts-là. OK. Callum, les Hurricanes de Caroline, je regarde, c'est quand même devant le filet. Cam Ward, il n'est pas jeune, là. Et des lacs, c'est coup-ci, coup-ça. Quand je regarde le profil des gardiens de but en Caroline, est-ce qu'on peut te considérer comme le gardien de but d'avenir? Est-ce que tu as vraiment des possibilités? Je suis sûr que l'an prochain, probablement, c'est la Ligue américaine, mais à court, mettons, à moyen terme, d'atteindre la Ligue nationale? Tu sais, je regarde Cam Ward, c'est pas jeune, là. Ouais, ben, en ce moment, j'essaie de me concentrer sur cette année. Ouais. J'ai une autre année junior, puis on a une grosse série qui se termine en ce moment. Donc, vraiment, je me concentre sur le match de demain contre les Saguenayens. Je vais pas essayer de regarder trop loin dans le futur. Si je le fais, je vois Cam Ward et Philippe Black, c'est deux excellents mentors. Okay. J'ai eu la chance de les rencontrer tous les deux au camp. C'est des excellents gars puis c'est des excellents goalers aussi. Donc, juste, je l'ai dit beaucoup, mais je me sens super honoré de juste pouvoir avoir été sur la même glace qu'eux, puis pouvoir apprendre d'eux, c'est un gros honneur, puis je suis super chanceux. Bon, ben, Carlum, bravo, bravo pour la série que vous nous donnez actuellement, c'est vraiment de l'excellent hockey, puis bonne chance pour le restant de la série. Merci beaucoup, bonne chance à vous aussi. Le gardien de but des Sea Dogs de Saint-Jean, Callum Booth.